Prêt pour une vague de nouveautés? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante en ce vendredi 19, samedi 20 ou mardi 23 octobre 2007. Bienvenue. On va découvrir des tonnes de choses du côté francophone. C'est par là qu'on commence. On a reçu du Yann de Paris, du Vive la fête, Elytria, Dominique, Nadia, Yves Desrosiers. Mais on commence par le nouvel album de Joran. Il s'appelle Vert à soi. Et tout de suite, voici le venin à la Chance au coureur. respires, comme dans ton cou quand tu respires. Le venin a plus doux effet quand on aime, comme dans ton cou quand tu respires, comme dans ton cou quand tu respires. Le venin a plus doux effet quand on aime son sous les yeux, contre moi je garde les images de mes rêves abrutis. Oh, oh, oh, oh. Du nouvel album de Joran Vert à soi, c'était Sauve-moi, précédé de Le Venin, ici à la Chanson Coureur, à C'est Fou 89.1. Joran, peu d'artistes au Québec, dit son document de presse, ont un parcours et un son aussi singulier que l'auteur, compositrice, interprète de renommée internationale qui est devenu Joran. Après avoir donné naissance à son premier enfant, il nous présente un album qui nous ramène à une poésie chantée tout en français. Joran peint des toiles musicales où l'instrumentation est aussi poétique que le choix des mots. Appuyée par le réalisateur Éloi Pinchot, elle nous offre une musique à la fois organique et cossue qui se démarque tant par sa simplicité que par une recherche des sons. Un album d'atmosphère qui nous transporte dans les univers parallèles d'un artiste qui s'abreuve à toutes les époques. C'est ce côté intemporel qui rend la musique de Joran universelle. Voilà, texte envoyé par la compagnie qui est derrière l'album. C'est aussi que les textes de l'album Vers à soi sont finement ciselés et traitent des grandes questions de l'existence, l'amour, la vie, la mort. La voix élargie nous amène pour quelques instants à oublier la course folle de nos vies. Entre le spoken word et le théâtre no, Joran décrit l'amour carnivore dans le venin, alors qu'il fait le monologue de l'amour à sens unique dans Sauve-moi. 11 titres qui oscillent entre l'ombre et la lumière, entre les réalités mordantes et déchirantes, prenant parfois des allures de balade, de douce folie ou de défoulement libérateur. Si vous voulez plus d'informations sur Joran, allez voir le www.joran.com et elle va débuter une série de spectacles en octobre à travers le Québec. L'album est en magasin à partir du 23 octobre sur Taka Musique. C'est Vers à soi de l'artiste Joran. Maintenant, on passe à un autre artiste qui m'a l'air dans un style un peu différent. J'ai écouté le début de la pièce. Alors, c'est Yves Desrosiers. Son album, c'est Chansons indociles. Et à l'instant même, on découvre sa pièce Les métaux noirs. Vous écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est fou 89.1 FM, c'est la chance. Au courage. choc.fm. Des étoiles comme couverture, du whisky pour mieux rêver, sur un lit de neige dure, des bouteilles comme oreiller. Lorsqu'ils s'enfoncent tour à tour dans les poubelles comme des vautours, trouver la perle du jour, trouver la perle d'un jour. Alors on se console en se disant, pourvu qu'il y ait de l'alcool, mais le ventre creux et rien sous la dent, on se désole. Sans abri et sans amour, dans les rues sans découverte, sans défi et sans bravoure, les clochards vont à leur perte. Sans amis et sans amour, dans les rues sans découverte, sans répit et sans tambour, les clochards vont à leur perte. Une maison dans les ordures où la vermine peut entrer, un chariot comme voiture et la main tendue pour mendier. Lorsqu'ils entendent sonner les cloches, la nuit tombée, c'est des églises où ils ne peuvent plus, où ils ne peuvent plus entrer. Alors on se console en se disant que la nuit porte conseil, mais sous zéro. Sans amour, dans les rues sans découverte, sans défi et sans bravoure, les clochards vont à leur perte. Desrosiers avec deux pièces de son nouvel album Chansons et Dociles, c'était Les Clochards, précédés de Les Métaux Noirs. Personnage essentiel dont l'influence a marqué un pan important de la musique québécoise, Yves Desrosiers prend le devant de la scène avec la parution d'un premier album entièrement à son image, dit le communiqué de presse envoyé par l'étiquette. Encensé pour son travail auprès des Jean Leloup, Lassa, Richard Desjardins et plusieurs autres, ce créateur aux multiples talents distille aujourd'hui son propre univers à travers 11 titres originaux attrapés au lasso sur les Chansons Indociles. Ce disque longuement mûri marque une nouvelle étape pour le chanteur et musicien à l'âme vagabonde. Ses chansons indociles vivent leur bohème urbaine comme autant de chats de ruelle échappés de la maison des Rosiers, dont la douceur domestique côtoie l'état sauvage. D'accord. Habile mélodiste et véritable alchimiste du son, Yves Desrosiers propose un album aux ambiances musicales éclectiques, tenu en laisse par l'esthétique à la fois percussive et planante qui incarne désormais sa signature. Une empreinte d'autant plus présente qu'elle s'est étendue à toutes les étapes du processus créatif. Artiste à tout faire, Desrosiers a en effet tenu les rôles de chanteur, musicien, compositeur, auteur, arrangeur et réalisateur sur ce projet, enregistré presque en totalité dans son studio. Bien qu'il y signe trois textes, la plupart des paroles sont issues de la plume boulimique du réalisateur et comédien Robin Aubert, de Ces Martyrs des damnés, ou pour moi, de Radio Enfer, à l'exception de Maria, écrite par Bia. quand même. Complice depuis l'époque de la salle à faire, Gilles Brisebois et Brisebois, oui, et François Lalonde assure la rythmique, alors que des invités tels que Mara Tremblay, Sandra Joe, Luciane Tonio et Marie-Soleil Bélanger contribuent pour leur part à l'élaboration de délicats emballages musicaux. Avec ce nouvel album regorgeant de chansons aussi savoureusement indociles que Circus, Les Métaux Noirs, Fumer l'Ange, Le Déporté ou Égarement Clérical, Yves Desrosiers démontre avec panache qu'il appartient à cette catégorie d'artistes qui savent faire de la chanson avec un grand C. J'ai quand même conseillé, parce que je trouve ça intéressant, débuter en mode rock'n'roll au sein de formations telles Les Taches, Go Van Go et La Seule Affaire de Jean Leloup à la fin des années 80. La carrière d'Yves Desrosiers s'oriente davantage vers la chanson au cours de la décennie suivante avec l'aventure des Cœurs de Rouge et sa désormais célèbre collaboration avec Lassa Dessella. Guitariste émérite, compositeur et arrangeur iconoclaste, Desrosiers bouleverse les codes établis avec la réalisation de l'album La Llorona de Lassa, qui connaîtra un succès éclatant. Il est ensuite invité à réaliser, entre autres, Canasuta de Richard Desjardins et Hungry Ghost de Frédéric Garicomo. Premier projet solo, son album Volodia est paru en 2002 et rendait hommage au poète russe Vysotsky et démontrait son attrait viscéral pour la chanson. Également compositeur de musique de film, il a notamment signé les trames sonores des longs métrages Le cœur au poing de Charles Binamé et Saint-Martyr des damnés de Robin Aubert. Voilà qui fait le tour pour Yves Desrosiers. Si ça vous intéresse, l'album s'appelle Chansons indociles. Maintenant, on continue avec un autre artiste. C'est une femme. Elle s'appelle Dominique Nadia. Son album, c'est Dans l'air figé. Et à l'instant même, voici le baume à la chance. Au coureur, à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, dans vos oreilles. Pour mieux voir ton sourire dans le brouillard, comme un baume sur ma peine. Il y a cette fièvre et ce sommeil qui me consume sans m'emporter quand tu planes dans mes pensées. plus de Dominique Nadia et Elétria. C'est au retour à la chance au coureur. Vous écoutez La Chance au coureur et tout de suite, voici une autre pièce de Dominique Nadia. Son album est Dans l'air figé et la pièce, elle, s'appelle Pour plus d'amour. Hein? À C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Oui, j'ai dansé dans d'autres bras. J'en ai séduit d'autres que toi. Je me suis saoulée d'aventure, écorché le cœur à l'usure. J'ai même aimé un peu parfois, de ces amours qui ne durent pas. Et j'ai connu tant de saisons, ivre de toutes mes illusions. Aujourd'hui que je comprends que mes pas me guidaient vers toi et ton chemin rejoint ma route pour plus d'amour et moins de doute. Oui, j'ai cherché sans rien trouver, sans recevoir ni rien donner. Je me suis plus dans ces mirages à m'inventer des paysages. Mais quand la pluie les effaçait, que mon chagrin les submergeait, je rêvais de toi sans te connaître. Je t'attendais pour mieux renaître. Cesse aujourd'hui que je comprends que mes pas me guidaient vers toi. C'est à nous, symbole du lien qui nous unit. J'offre mon amour en cadeau pour le début d'une nouvelle vie. C'est aujourd'hui que je comprends que mes pas me guidaient vers toi. Je comprends que mes pas me guidaient vers toi. Joran et ça, c'est pas ma journée aujourd'hui pour la musique. L'album Dans l'air figé de Dominique Nadia. Voilà, c'est à la fois une parenthèse dans la carrière de Dominique Nadia et la suite tant attendue par un public déjà conquis par ses deux premiers opus, Éclat de vie en 2003 et Noël à gogo en 2005. S'il est vrai que Dans l'air figé possède une saveur pop à l'européenne qui laisse entrevoir une nouvelle facette de Dominique Nadia, le travail d'équipe entre l'artiste, le studio Sonopub et le label Titre A en France a permis de relever un défi significatif, trouver un son qui collerait aux deux cultures et qui ne dérouterait pas les amateurs des précédents albums de la chanteuse. On y retrouve donc un mélange du son français très léché et du son nord-américain plus organique. La combinaison des deux sons a permis à l'artiste de demeurer authentique tout en profitant de cette chance inouïe que lui offrait le label Titre A en lui ouvrant cette porte d'entrée pour la France et de gâter son public dans la francophonie canadienne. La chanson « Le Baume » a d'ailleurs été écrite par les collaborateurs habituels de Dominique Nadia, on parle de Frédéric Dorval et Jean-Michel Ouimet, et a été produite entièrement au Canada. Toutes les autres musiques et arrangements sont signés par le label Titre A et ont été réalisés en France. C'est à Jean-Michel Ouimet du studio Sonopub en Outaouais que revenait la prise de voix et le matrissage. Le projet était audacieux, certes, mais le résultat équilibré témoigne d'un travail minutieux réalisé à l'échelle internationale par différents intervenants professionnels qui ont su tenir compte des deux marchés ciblés et de la vision artistique de Dominique Nadia. Ah, c'était ça, c'était Dominique Nadia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime pas ça, mais c'est bon quand même pour certaines personnes. L'album s'appelle Dans l'air figé, on a entendu deux pièces, Le Baume, et à l'instant c'était Pour plus d'amour. Voilà, maintenant on passe à autre chose. J'espère qu'on va changer de beat un peu parce que sérieusement, aujourd'hui, je trouve ça un petit peu plate. Prochain artiste, c'est Eletria. L'album est éponyme et à l'instant, voici Berce-moi. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre toutes les nouveautés reçues à Sifou pendant la semaine, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. C'est La Chance au coureur. C'est le nom de l'émission. Parce qu'on donne une chance au coureur. pense qu'ils veulent tous ma mort d'ici la fin de l'émission. Une autre pièce d'Eletria tout de suite à la chanson courant. C'est fou dans vos oreilles. Aujourd'hui commence ma vie, à moi la liberté. Je crois en moi, je suis ma voix, douce réalité. Votre mentalité de petit quartier, je dois la refuser. Maître de ma destinée, je me suis libérée. De vos œillères, de vos barrières, de cette banalité. Vous me disiez rebelle, mais laissez-moi. Alors j'aime ça quand les gens appellent, c'est le fun. On a reçu un appel de Geneviève et vous savez que j'aime pas couper les pièces sans qu'on me demande de le faire, donc c'est fait. Voici Vive la fête avec Aventure fictive à la chance au coureur. Deux pièces de la formation belge Vive la fête, l'album C'est jour de chance. Les pièces Aventure fictive et Mai qu'on vient juste d'entendre. Avant de parler de Vive la fête, j'aimerais encore une fois remercier Geneviève qui nous a téléphoné au 819-376-5183. Faut qu'on arrête la pièce. Je vais quand même parler d'Eletria un minimum. Réalisé par une équipe de collaborateurs de talent réunis autour du concepteur Alan Charles, ce CD représente 5 ans de travail depuis l'ébauche des premiers textes relatant l'histoire d'Eletria. Voilà. Et une histoire poignante, mais qui, nous l'espérons, rend justice au courage de cette jeune fille. Mais la sortie de l'album n'est que le début de la découverte de cet univers, parce qu'en spectacle, Eletria vous racontera sa vie, son cheminement, sa rage, sa détresse et ses espoirs aussi, en chanson bien sûr, mais aussi en paroles simples et directes, telles qu'elle est. Voilà. Le lancement du premier CD... Le lancement officiel du CD aura lieu le 23 octobre prochain à 17h au bistrot Double Dose sur Saint-Denis à Montréal. Le premier extrait radio était « Laisse-moi jouir de ma vie », mais on va s'en passer. On vient d'entendre « Vive la fête ». L'album est sorti le 25 septembre. Le couple le plus sexy de Belgique nous revient donc avec le printemps et un nouvel... Je sais pas pourquoi ça dit ça, mais quand même. Et un nouvel opus joyeusement baptisé « Jour de chance ». A priori, tout cela semble plutôt de bon augure. Musicalement, le mix est assez surprenant également. Et si on loue aujourd'hui l'originalité de groupes comme les Klaxons, on devrait se souvenir que le VLF était parmi les premiers à opérer une synthèse audacieuse de courants musicaux réputés inconciliables. Après un premier album en 2000 baptisé « Attaque surprise, vive la fête », s'est bientôt fait repérer par le grand Karl Lagerfeld himself. Le créateur se proclamera d'ailleurs leur plus grand fan au monde. En 2002, le groupe assure donc le show pendant les défilés Chanel et gagne ainsi la reconnaissance des médias et du public. Ils enchaînent alors les albums et les tournées dans le monde entier, suscitant partout le même engouement. Et ça continue, dit le document de presse incompréhensible que l'étiquette nous envoie. Je continue. Pour leur nouvel album, la pochette est une création originale du jeune illustrateur et styliste franco-britannique Charles Anastasaz, qui a signé les récentes campagnes de Calvin Klein ou de APC. Cet album à la fois très printanier et très abouti est déjà pressenti pour être remixé par des noms prestigieux comme Black Strobe et Scratch Massive et doit donner lieu lui aussi à une grande tournée. Wow, beau texte! Très beau texte. Leur site web est au vivelafête.be, www.vivelafête.be. Et voici une deuxième pièce de leur part. Elle s'appelle « Mais à la chance ». Au coureur, à C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Toujours envie de toi, je cherche où que tu sois. Allez, allez, rouler jusqu'à l'extrémité. Tout ce qu'on fait, c'est unique, les exercices visibles. Vive la fête et mai de leur album Jour de chance ici à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. C'est déjà la fin de la première heure. Petit avant-goût de ce qui se passe dans la deuxième. On va entendre Où sera Needham avec The Architect's Womb. On va aussi avoir la chance d'entendre Murkoff Cosmos, Prefuse 73 Preparations et C.R. Avery Magic Hour Sailor Songs. Mais avant, on se gâte avec une dernière pièce de la formation Vive la fête. Ça va être La Route. Les auditeurs du vendredi, ça va entendre les nouvelles de Radio-Canada, les autres. Mais on vient dans 2 secondes. Et quart. Un petit peu plus que ça. J'ai tendance à ambitionner par le bol. Deuxième heure de La Chance au coureur, on commence par Où sera Needham de son album The Architect's Wound. Voici It Has Been Said au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Pas parce que j'arrive, mais il me semble que j'aurais le goût de suite de couper ça, moi. Ben, c'est fait. Je sais pas, là, on serait dû pour rock détente, tant qu'à ça. Cette semaine, je sais pas ce qui se passe, là, mais on a eu Joran, OK? On a eu Dominique Nadia et on a eu Eletria, presque un après l'autre, suivi de Australie Dham. C'est plate rare à matin. C'est plate à matin. Plate rare. J'espère que je vais t'amener tantôt, là, quand on aura du temps. Ça va peut-être être meilleur. T'es mieux. J'espère, sinon tu me sortiras. On s'en va entendre Gravenhurst, Trust. Et donc, c'est un single qu'on s'en va entendre. Donc, Clean Radio Edit de Trust. Pis, et on se croise les doigts. Je pense que ça va faire la job. Hein? Pas fort à date. Moi, tu sais, tant qu'à moi.

Pièce de la formation Gravenhurst à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante, il s'appelle le beau Danny Janvier. Oh! Oh! Ah, mais ça, c'était pas si pire, là, ce qu'il vient de jouer, au moins. Ça change de beat, parce que là, sérieusement, j'en avais besoin de changer de beat. Hein? Sinon, on s'en allait, nous autres, même. On a entendu les pièces Underfoot, précédées de Trust Clean Radio Edit. L'album est sorti le 23 juillet dernier, donc c'est extrêmement vieux. C'est un groupe de indie alternatif expérimental de Bristol au Royaume-Uni. L'album, si je comprends... Oui, c'est ça. Oui, exactement. Leur album, The Western Lands, est sorti le 10 septembre dernier. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Nous, on a reçu qu'un single. On n'avait aucune idée, c'était trop quoi. Là, ça a comme pas rapport. En tout cas. Danny Janvier est là pour une raison autre que juste du bonbon pour les oreilles. Je suis pas juste là pour être beau. Hein? Pas juste ça. Entre autres, ça. Mais. Il est aussi ici pour un parler. Je te vois pas. Là, j'ai envie de te voir. T'es fin. Un album là, de Waldeck. Oui, Waldeck qui n'est pas son premier album. J'ai pas regardé. Moi, j'en ai déjà un que je possédais chez moi. Que la pochette était vraiment merveilleuse avec des gros champignons magiques dessus. Qui était vraiment bonne. Comme pochette. L'album, par contre, était quand même assez ordinaire. Le problème avec Waldeck, c'est souvent ça, une musique assez intéressante, très recherchée. Mais des fois, les textes viennent me déranger. Comme tu sais, des fois, dans l'électronique, Mathieu, je suis assez difficile avec les voix. Le texte, tu l'aimes, c'est correct, mais c'est la voix que... Ouais, c'est ça, le texte, peut-être, ce qu'il dit, ça, je m'en fous un peu. C'est plus l'émotion que ça donne dans la musique ou la voix qui dit ce texte. Mais avec cet album, je me suis dit encore, bon, Waldeck, je vais écouter parce que ça m'intéresse. Comme je te dis, la musique est toujours assez originale et bien faite. Et puis là, ben, il nous présente Ballroom Stories, un titre qui fit totalement avec la musique qu'on y retrouve. Une musique, justement, ballroom, très lounge, très cigare, années, je sais pas, 50, 40, en tout cas, même avant ça, plus peut-être 30, là, l'époque des gangsters et des ballrooms, justement. Je pense que l'idéal, c'est d'aller l'écouter. C'est un électro-jazz lounge ambiant. Dans certaines pièces, justement, il y a la voix, comme je disais, et dans d'autres, ben, il n'y en a pas. Fait que ça, c'est le fun. On, quand on se tanne, on peut aller écouter. Mais la voix, on peut y accrocher une voix de femme assez gentille. Beaucoup de musiciens là-dessus. Je n'énumérerai pas tous ces noms qu'on ne connaît pas de toute façon. Mais en tout cas, il y a de l'accordéon, il y a de la clarinette, il y a du drum, bien sûr. Il y a du banjo, du saxophone, plein d'instruments. Donc, à découvrir. Si vous aimez Tosca ou Wax Taylor, eh bien, je pense que vous allez aimer cet album de Waldeck, qui est, d'après moi, en tout cas, avec ce que j'ai entendu de lui, peut-être son album le plus réussi à tous les points. On écoute ça tout de suite à la chambre. Au courant. Thank you. Waldeck avec la pièce Make My Day. Nouvel album, Ballroom Stories. Donc, Mathieu, je pense que t'as aimé ça. Oui, c'est très, très bon. Est-ce que la voix est tout le temps comme ça dans Voix, oui, c'est à peu près. C'est tout le temps bien placé, pas trop fatigant. C'est pas irritant, c'est pas gossant. C'est non, puis tu sais, elle fait pas un texte, elle a pu finir. C'est une petite voix qui se répète. Ouais. Donc, qui met un petit groove. Et comme je disais, ça fait très cigar lounge. Ça fait très très trippant. Écoutez ça chez vous avec n'importe qui. En buvant du vin, en mangeant. Excellent album. On a eu la chance d'écouter Jerry Weintraub par erreur, mais c'est une merveilleuse, c'est une belle erreur. J'étais bien content. Et puis, on va aller écouter une autre petite pièce pour se faire plaisir. Dope Noire, tout de suite à l'instant. La chance au coureur. Dope Noire, une pièce tout en feutre, hein? C'est très feutré. Donc, comme je vous disais, c'est très lounge. Vous allez écouter ça, puis ça vous dérangera jamais. Très film. J'ai aimé ton commentaire. La musique à images. On peut s'imaginer plein de trucs. On peut s'imaginer des scènes assez intéressantes en écoutant cet album. Donc, c'est à découvrir. Comme je disais tantôt, si vous aimez Tosca ou Wax Taylor, qui font de la musique un peu du même genre, très ambiante, très lounge, mais en même temps qui groove, là, une pièce va être comme ce qu'on vient d'entendre, qui était très, très relax. D'autres pièces qui sont beaucoup plus upbeat, plus jazzy. Donc, à découvrir l'album Ballroom Stories de Waldeck. Superbe. On continue avec un petit peu de musique alternative. L'album de la formation MUM, M-U-M, malgré le fait que c'est illisible sur la pochette. C'est totalement même illisible. C'est-à-dire que c'est M-U-M ou bien Mayhem. Mayhem ou je sais pas. L'album, c'est étrangement Go Go Smear the Poison Ivy. Et voici tout de suite la pièce Moon Pools à la chance. Au courant. Poison Ivy, c'était le genre de super-héros dans Batman. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, ouais. Mais c'est aussi une petite plante, là. Ah, c'est ça. Elle était belle, en tout cas. Ouais. Attirée par les plantes, toi? Non, non. La fille était vraiment sexy. Ben, je veux dire, moi, c'est Mathieu Plante. Okay. Ah, mais ça, tu attirée par moi, ça. Tu le sais déjà, comme toutes les autres. Non. Retour plus de MUM à la chanson au coureur à CFO 89.fm. Vous écoutez la chanson au coureur et voici une deuxième pièce de MUM. C'est Dancing Behind My Eyelids. C'était vraiment une très mauvaise prononciation de eyelids que je voulais faire. Vous écoutez la chanson au coureur à CFO 89.fm. Thank you. Wow! C'est Mum! C'est bon, Mum. C'est génial, ça. Oui. L'album, c'est Go Go Smear, The Poison Ivy. Les pièces qu'on a entendues, c'était Dancing Behind My Eyelids. Et puis, l'autre pièce juste avant, c'était la pièce qui s'appelle... Moonpools. Moonpools. Ça a pris 2-3 secondes, mais quand même. Donc, Mum, une formation de l'Islande. Oui, leur site web, c'est le randomsummer.com. Ils vont être en spectacle dans notre coin à Montréal, au Théâtre National, le 3 novembre à 20h. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a des vidéoclips sur le site. C'est tout à fait vrai. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, Mum. C'est... Oh, ça se prononce Miouyujmi. Ouais, okay. Miouyujmi. C'est ce que ça dit. Bon, c'est pas pourquoi. Aucune idée. Et leur album a aussi un nom complètement absurde. Go Go Smear The Poison Ivy. C'est leur quatrième album. Ils sont très, très heureux de l'avoir fait. Voilà. C'est bien. Leur premier album s'appelait Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay. Le deuxième, c'était Finally We Are No One. Et le troisième, Summer Make Good. Très cocasse comme Ben. J'aime ça. Leur site web, encore une fois, je le répète, c'est le Summer... randomsummer.com ou encore myspace.com/mumtheband ou M-U-M, en tout cas, appelons-le M-U-M The Band. Voilà, vous pouvez entendre des pièces dont celles qu'on a entendues aujourd'hui. Cette journée qu'est aujourd'hui. On continue avec un autre album. Cette formation s'appelle, en tout cas je crois, Frightened Rabbit Sing the Grays. Voilà. Et si je regarde à l'arrière, voici la pièce. Et j'explique pour les auditeurs, Mathieu est en train de faire une roulade avant groupée pour pouvoir lire... C'est ça. À la place de virer la pochette la de l'album, pochette, j'ai décidé de virer tournait, moi-même. Exactement. Et quand je vais tourne. À la chance! Au courage. What's the blues when you've got the grease? I think I've given up my body's given in the building. Our life's still, and then I turn back over again. We'll be right back. Formation Frightened Rabbit avec leur album Sing the Graves et la pièce Square Nine à la chanson Courard, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Donc Frightened Rabbit, un groupe de pop folk indie de Glasgow au Royaume-Uni. Les membres sont Scott à la guitare, le clavier et la voix, Grant à la batterie, voix et marimba, Billy à la guitare et Yamaha et accordéon, Flesh au Swanee Whistle et Lamb Curry. D'accord. Pas de spectacle dans le coin, mais si ça vous intéresse d'aller voir plus d'informations, c'est frightenedrabbit.com ou myspace.com/frightenedrabbit. Les liens sont comme toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. Danny Janvier est de retour parmi nous pour nous parler de notre CD. Oui, je vais vous parler du CD de Femme Génération, une formation, un trio qui nous vient de Toronto, qui nous présente un pop, punk, électro, nouvelle vague, mais avec une voix qui fait vraiment un punk des années 80, qui sonne un peu british aussi. Ben, tu sais, on sait que les Anglais, Canadiens, quand même, des fois, certains ont un accent quand même qui rappelle un peu l'accent anglais d'Angleterre, bien sûr. Et puis, ben, c'est ça, nous présente des petites pièces très catchy dans le genre. Puis, ben, on va aller en écouter une tout de suite, qui est le nom du EP, La première pièce, c'est The Future Call, They Want Their Sound Back. Et juste pour vous dire, c'est le fun parce qu'on a reçu une promotional copy, mais l'album n'est pas sorti en CD. Il est sorti seulement en MP3 et en 7 pouces, un genre de vinyle. Donc, je pense que c'est une belle formule, une belle façon de faire parce que de plus en plus, les gens sont tannés du CD. Donc, c'est ça. On écoute ça tout de suite, Femme Génération. À la chance au coureur! Ah, c'est fou, 89.1. FM. FM. Generation avec la pièce de Future Call, They Want Their Sound Back. C'est très bon titre d'ailleurs. Oui, c'est quand même bien la musique, assez catchy comme je vous disais, assez accrocheur, un peu punk. Et puis la pièce qu'on va écouter là à l'instant, c'est Orlando Bloom. Et tu nous disais qu'il est en spectacle, Mathieu? Oui, c'est ça, ils sont en spectacle. Si vous écoutez en direct, c'est ce soir, le vendredi 19 octobre à 20h à l'Escogriffe de Montréal. Ils vont aussi être à Brooklyn, à New York et à Toronto dans les prochains jours. Donc, ils se promènent pas mal. Et les voici avec une deuxième pièce. La chance. Au coureur! Oh, you all look the same. la troisième heure de la chance au coureur et on commence par Murkoff avec l'album Cosmos et la pièce Cosmos One. Hein? Mais c'est d'Espagne, je crois, donc Cosmos Uno. À El Chance. Cororo. Cororo. C'est fou. On est polyglotte. Polyglotte, pas mal. C'est un compliment, ça. C'est... T'es donc bien polyglotte, Danny. Hein, mon Danny? T'as pas vu tout ce que je fais avec ma langue? On se retrouve dans 8 minutes. Ça va être long, je pense. Mais ça a l'air bon. Ça commence lentement. Très, c'est à peine si on l'entend. Pousse-le un peu. Un petit peu encore. Moi, je vais te pousser ça profond, moi, tu vas voir. Pousse, pousse. C'est ça qu'elle a dit. Thank you. Fernando Corona, ou sinon connu sous le nom de Murkoff, avec l'album Cosmos et la pièce Cosmos Uno. Hein? Fernando Corona, son projet a été fondé, Murkoff, en 2001 à Tijuana, au Mexique. Ce projet veut expérimenter avec la musique électronique et classique dans son expression la plus minimaliste, pour présenter avec précision numérique une chaleur acoustique, essayer de trouver l'harmonie et la façon de faire un complément entre ces choses, entre le classique, l'électronique et puis l'expérimental. Voilà. Moi, j'aime bien ça. C'est très bien, oui. C'est sûr que si tu veux partir sur le party, c'est pas la pièce à mettre. Non, mais si tu veux prendre un petit spa ou un bain. Ouais, ou bien en te couchant ou en relaxant, en voulant réfléchir sur ta vie, je pense que c'est excellent. C'est de la musique excellente pour se remettre en question. Oui. Introspective. C'est ça. Murkoff, donc l'album s'appelle Cosmos. Si vous voulez plus d'informations, allez tout de suite sur le myspace.com/Murkoff, M-U-R-C-O-F. C'est le site à aller voir. Sinon, murkoff.com est aussi disponible. Voilà. Danny Janvier, encore une fois, cette semaine est, comment dire, généreux. Oui, puis d'ici les prochaines semaines, je vais l'être parce que les maisons de disques l'ont été et la musique électronique, on a eu à peu près une douzaine de sorties cette semaine, mais je peux pas me permettre de toutes les faire passer. En plus, il y a plein d'autres trucs, puis on n'est pas pour écouter juste de la musique électronique sans arrêt. Sinon, on aurait une émission de musique électronique, tu sais. Exactement. Par contre, moi, c'est ça, ce que Murkoff, là, je vais me procurer ça, ça c'est sûr. Est-ce que je vous parle tout de suite à l'instant? Eh bien, c'est... projet qui s'appelle Flying Lotus et le EP s'appelle Reset. C'est une musique ambiante, mais beaucoup plus rythmée, beaucoup plus glitchy. Parfois, justement, à la première écoute de l'album, on se demande si l'album n'est pas protégé par un système anti-pirate, parce que ça saute, ça fait des petits glitchs. En tout cas, c'est assez... je te dis, la première fois que je l'ai écouté, je me demandais si l'album n'était pas protégé parce que je l'ai écouté dans un ordinateur. Okay. Puis c'était à se le demander. À première écoute, je me demandais si j'aimais vraiment ça, des trucs comme ça. Ça te gossait un peu. Je me le demande encore, mais après quelques écoutes, finalement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien fait. C'est sorti sur l'étiquette Warp Record. Warp Record sort des classiques de la musique électronique depuis le milieu des années 90. Donc, je me suis dit quand même, s'il s'associe à ça, c'est quand même pas si pire. J'ai pris la peine de l'écouter un peu plus en profondeur. Et puis, j'aime ça quand même. C'est différent. Donc, à vous de vous faire votre idée. On va aller écouter la pièce Massage Situation. C'est pas message, là, c'est massage. Massage Situation. Massage Situation. Tout de suite, à l'instant. Flying Lotus, l'album Reason. À la chance! Au courant. I'm Vous écoutiez une pièce de Flying Lotus, le EP Reset, la pièce Massage Situation, donc qui nous présente un hip-hop expérimental déconstruit. Cette formation est de Californie, donc sur Warp Record, à découvrir. Retour C.R. Avery et Miles Deck and the Fuzz à la chance. Au coureur. Dernière demi-heure de la chance au coureur, voici C.R. Avery et Down at the Cafe. À la chance. Au coureur. Correct. Told. Yeah, there was usually an audience there to listen. It fell out for those few hours that that world was put on hold. Yes, yes, yes, I was into urban culture. I was the young pauper with nothing to lose. I had arrived into town a few years earlier, just looking for a bar to play the blues. Chicago's Wiggle Park, Germany, Amsterdam, Paris, and Switzerland. I crossed the ocean, bound to leave my mark. But I was a trip, I'd go down to the capital and see the friends that I so dearly met. Forget what you heard about spoken word. It's about how passionately you have that microphone kiss. Town goes bad. You got the check, for example, I'm no longer with the child's mom, but I've hung on to be her dad. Down at the cafe, it seems things have changed. I don't know if it's not as bad as it used to be. Maybe I went on a couple of nights. Just me. In a my competitive nature, if I have a sign of bloodthirsty taste, I tell you that my sister was a figure skater, and judges holding scorecards was not gonna be my final resting place. Clubs. On Granville, you know, I thought we were better than those college boys, and it got me some new tips. To who I lead upon fingers, really all a bunch of fucking hypocrites. But I no longer go where the other poets go. I finally got my music in museums. $1,500 for a solo sold out show. But you can never be quite sure when I may go looking for an honest find. Cause beauty is a gamble I'm willing to bet on. Then at the cafe every other Monday night. Then at the cafe every other Monday night. The Monday night, down at the cafe, down at the cafe, down at the cafe, down at the cafe, down at the cafe, every other Monday night. C.R. Avery avec la pièce Down at the Cafe de l'album Magic Hour Sailor Songs à la chance au coureur. C.R. Avery qui fait dans le blues hip-hop un peu. Il vient de Vancouver en Colombie-Britannique. Il va être en spectacle un petit peu partout dans ce coin-là. Mais seulement, la seule façon de savoir c'est où, c'est le cravery.com, cravery.com ou encore myspace.com/cravery. Les membres sont C.R. Avery à la voix, beatbox, harpe et clavier, Noah Walker à la guitare et la voix, David Herbert ou Doc à la batterie et la voix, et Paul Surja Dinata à la basse et à la voix. Encore une fois, cravery.com ou myspace.com/cravery. Les informations sont toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. On enchaîne avec une autre formation. En fait, celle-ci, c'est canadien. Voilà, c'est canadien. Canadienne, même comme formation. Miles Deck and the Fuzz. Beware the Fuzz est le nom de l'album. Et tout de suite, voici la pièce California Man dans le genre punk rock, apparemment. Tout de suite à la chance. Au courage. Assez fou, 89.1 FM à Trois-Rivières. Miles Deck and the Fuzz avec l'album Beware the Fuzz et trois pièces California Man, I Love My Maybe. Et on vient d'entendre Thrill Seeker, Miles Deck and the Fuzz, un petit peu de rock blues punk de Halifax en Nouvelle-Écosse au Canada. Et leur site web c'est fhttrecords.com ou myspace.com/MilesDeck and the Fuzz. Les membres sont Miles Deck à la voix, Travis Davis au high strings, Alan Hoskins au low strings, Jordan Oakey au skins et Dale Boudreau, bass et guitare. Toujours super clair. Moi, je connais pas ces enfants-là, mais bon. Skins. Skins, c'est un instrument, j'imagine. Les pots. Ouais. Ils jouent des pots. Ils jouent des pots. Ils pognent les filles dans la salle, puis ils touchent avec. Percussion. Ben, je les sais pas. Les pots d'animaux, genre. Les pots, ouais, peut-être. Ça arrête du sang, ça arrête du sang. Donc, il dit « Je m'appelle Miles Deck et nous sommes The Fuzz. Nous jouons un genre de vieux style rock punk rapide et sale un peu, c'est crasse, avec le soutien d'une section rythme hein, que certains pourraient appeler une groove machine. » C'est à peu près ce que ça dit. Donc, encore une fois, myspace.com/Miles Deck and the Fuzz, Miles, M-Y-L-E-S, mais les liens sont sur lunechance.com. On continue avec une autre formation canadienne, c'est Lola Dutron. En fait, ils appellent ça Lola Dutronic. Mais en tout cas, je sais pas, le la du trolley. Album 2, The Love Parade. D'accord. Jeune fille en cartoon. Manga un petit peu, cartoon. Exactement, un petit peu, ouais. Face ronde, du grand yeux, appareil photo. Pas de nez. Pas de nez, en effet, de petites narines. Ah, pas de nez, elle joue des narines. Des trous. Des trous. Et narines, j'aime ça comment tu dis ça. Narines. Ouais. J'ai dit ça, moi, j'ai dit ça. Narines. voici tout de suite la pièce La Mer à la chambre. Oh, narine. C'est narine. D'accord. Mm-hmm. Coureur, oui, c'est ça. Chanson de quoi? Oui, oui. Charles Trenet, la chanson courante. C'est quelque chose. On dirait qu'on est dans un ascenseur. un bel ascenseur, tu sais, mais plate un peu. Donc là, la Dutronic French Pop Electronica Trip Up, le nouvel album est sur iTunes en ce moment. C'est une artiste canadienne. Si vous voulez plus d'informations, c'est bongobeat.com ou myspace.com/LolaDutronic. C'est un duo qui a travaillé avec un paquet de gens dans le passé. C'est ce que ça dit vraiment sur son résumé, sur MySpace. Certains dont vous avez entendu parler, d'autres non. Nous sommes plus intéressés par le futur que par le passé. Influence Serge Gainsbourg, John Barry, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, elle est meilleure que vous le croyez. Saint-Étienne, Portishead et Air. Au moins, on aime Air. Au moins. Il ouais, y avait une couple de ses influences qui étaient intéressantes. Ouais. Enfin bon. Donc, ça, c'était l'artiste Lola Dutronic. L'album s'appelle Album 2 de Love Parade Stereo. Voilà. Il y a d'autres pièces là-dessus, je pourrais en nommer quelques-unes. It's a Lovely Day, une histoire de plage, le modèle, chanson dédiée, Driving in the Rain, Beautiful World. Voilà. Beaucoup de reprises de chansons classiques, dans des classiques français ou des classiques comme ça. C'est affaire que je connais pas, malheureusement, ça manque à mon éducation. Mais Gaët, t'as connaissé la pièce que celle-là, oui. Mais j'ai dû chercher pour trouver que c'était Charles Trenet. On change de style complètement pour un autre groupe canadien de Newmarket en Ontario. Ils sont en vedette en ce moment même sur MySpace. C'était aussi où t'arrives sur music.myspace.com. C'est eux qui t'arrivent dans ta face. C'est un groupe de indie garage pop. C'est Tokyo Police Club et voici Box à la chance. Au courant. Dernier artiste de la journée. Après ça, on courant notre coureur de la semaine. Restez avec nous. Okay, let's do, we'll do, try that. There's a good chance we won't make it to the big dance they all owe us. Kisses for two. So if I may, I will take the first steps and say I feel like drowning till the end of the month. 'Cause I'm a fake who sticks to his guns. It's what I know, son, and it comes easy to a liar like. Into gray, I know you're feeling down, and baby, I want to get down with you. Now, if I can say you'll find in our frame of mind, better room walk. 'Cause I am afraid who sticks to his guns and lets the bitches run. Tokyo Police Club avec Box de leur EP Smith. Seulement 4 pièces là-dessus et 3 vidéoclips donc de leur pièce en fait qui ne sont même pas sur le EP. Ça va être notre même coureur de la semaine. J'ai rien d'autre à dire que c'est notre coureur de la semaine. On a eu une émission un petit peu plate au début. On a commencé par des affaires vraiment ennuyantes comme Joran, Yves Desrosiers, Dominique Nadia et Letria. Ensuite, on a comme un petit peu changé de beat avec Vive la fête, entre autres Waldeck que Danny nous a fait entendre, Mom, Frightened Rabbit, Fan Generation. Ensuite, Miles Deck qui était très très bon aussi. Mom et, qui était pas si pire aussi. Comment? Mom pas si pire. Oui, j'ai bien aimé Mom avec l'album Go Go Smear de Poison Ivy. Mais bon, même si c'est un hippie, je crois que ce qu'on a eu de meilleur, c'était Tokyo Police Club. Donc, leur album, c'est Smith. On va parler rapidement d'eux. On a à peine le temps. Ils viennent de Newmarket en Ontario. Les membres sont Greg Alsop à la batterie, Josh Hook à la guitare, David Monks à la voix et à bass et Graham Wright au clavier et à la chanson. Il va être en spectacle un peu partout aux États-Unis et au Brésil dans les prochains mois. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le tokyopoliceclub.net ou le myspace.com/tokyopoliceclub. C'est eux les vedettes de la page principale de music.myspace.com en ce moment même. On va se quitter avec une deuxième pièce de leur part qui s'appelle Cut Cut Paste. D'ici là, ben, nous, on se dit au revoir. Danny Janvier, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les trois CD que tu nous as fait entendre aujourd'hui? Oui, Waldeck, Ballroom Stories. Je vous ai fait entendre Flying Lotus, de l'album Reset. Et puis, The Femme Generation, The Future Call, They Want Their Sounds Back. Voilà. Donc, de la part de Danny Janvier, moi-même, je vous souhaite une superbe semaine. Merci d'avoir été avec nous, comme toujours. On se retrouve le vendredi à 10h et en rediffusion les samedis et mardis. Je vous retrouve aussi à La Connexion les lundis et jeudis, au Palmarès et puis les vendredis, mercredis et jeudis. On est là partout dans la semaine. Je m'appelle Mathieu Plante. Bonne journée et bonne chance! Something I'm still